La Dame du Bois, par Frédéric Boutet. Oscar ! Cria tout à coup le père d'une voix de tonnerre. Vas-tu venir ? Oscar, qui dans la petite allée le long du lac était resté en arrière pour contempler trois petites sœurs, pareilles à des poupées, qui jetaient du pain aux canards, eut un sursaut, et bien qu'il fût à 10 pas, leva son bras devant son visage dans un geste instinctif. Ici ! Répéta le père. C'était un énorme homme à tête de bulldog, avec une moustache pareille à une brosse à dents, et des yeux colériques, qui ne pouvait, vu sa position d'employé infime, exercer qu'en famille le despotisme dont il débordait. Il avait lâché le bras de sa femme, résigné, et son doigt, pour appeler son fils, désignait le sol devant lui comme on fait pour faire venir un chien. Oscar, sournois et chétif, avançait à pas lents. Sa mère avait l'air de souffrir. Quand il fut apporté, le père étendit une main poilue et le prit par l'oreille qu'il tordit. « Je t'ai défendu, » articula-t-il lentement, « je t'ai défendu de rester en arrière au bord de l'eau. M'entends-tu? Je te materai, moi. »« Oula, oula !» criait le petit garçon en se tortillant. « Lâche-le, va, mon ami, il sera sage, il ne le fera plus, » hasarda la mère. « Assez, je sais ce que j'ai à faire, » gronda-t-il, « et toi, garnement, attention, je ne te raterai pas. » Une dernière saccade fit tourner sur lui-même Oscar. « C'est que tu es si fort. Tu fais très mal sans le vouloir, » dit la mère. Le bulldog, flatté, s'apaisa. Ils reprirent leur promenade. Oscar, d'abord, suivit tout près, très sage, en faisant seulement de prudentes grimaces au dos paternel. Mais le lac le préoccupait. Il s'arrêta une seconde pour voir une barque, puis un cygne qui en poursuivait un autre. Tout à coup, le père tourna la tête. Oscar n'était plus sur leurs talons. Là-bas, au mépris des ordres reçus, à genoux sur la rive gazonnée, il se penchait sur l'eau. Cette fois, il avait vu des poissons, des gros poissons qui se disputaient un morceau de pain flottant à la surface, et passionné, il regardait de tous ses yeux. « C'est trop fort !» Le bulldog, en rage, lâcha de nouveau le bras de sa femme. « Tais-toi » ordonna-t-il. Il revint sur ses pas, étouffant sa marche pour surprendre l'enfant, absorbé. Oscar ne put s'empêcher de crier la mère. Oscar leva la tête, vit tout près de lui son père, menaçant, et un sursaut de terreur le jeta en avant dans le lac. Mais c'est à peine si une épaule plongea, le père l'avait rattrapé au vol et enlevé. Les gifles, cette fois, pleuvaient, énormes, tombant partout. L'homme jurait, furibond, en tapant. Oscar hurlait. La mère accourue, suppliait. L'enfant, moulu de coups, écarlate et sanglotant, se retrouva enfin sur ses pieds. « Ça t'apprendra !» dit le bulldog, et un peu haletant, il s'essuya le front. « Quelle brute !» dit tout près de lui une voix mélodieuse et claire. Un couple de promeneurs s'était arrêté. Un jeune homme svelte, d'une élégance aisée. Une jeune femme délicieusement brune, tout en blanc, avec une veste de dentelle. Elle était rouge d'une indignation qui, sous la charlotte blanche et les cheveux noirs, coupés sur le front, faisait étinceler ses beaux yeux. « Quelle brute » répéta-t-elle en serrant dans sa petite main le manche de son ombrelle. Le bulldog devint pâle de fureur, puis ponceau. « De quoi vous mêlez-vous ? C'est mon fils. Je suis peut-être bien le maître de le corriger, ce garnement qui se jette à l'eau » criait-il en se tournant vers elle comme pour la dévorer. Mais elle lui tint tête. « C'est vous qui avez manqué de le jeter à l'eau en lui faisant peur » riposta-t-elle, très brave. « Et c'est lâche d'assommer comme cela un enfant qui ne peut pas se défendre. » Le gros homme n'avait pas l'habitude de s'entendre parler ainsi. En général, on le redoutait, sauf son chef de bureau qui le méprisait et le traitait de haut en bas. Mais cela, c'était la hiérarchie, et sa famille n'en était pas témoin. Il devint grossier. « Foutez-moi la paix, hein » hurla-t-il. « Je suis un honnête homme. J'ai pas de leçons à recevoir d'une grue. » Il n'avait pas achevé l'insulte qu'une formidable gifle, provenant du jeune homme élégant, lui fit voir, dans le crépuscule du soir, 1000 lumières prématurées. Surpris, il chancela, et fou de fureur, se rua sur son adversaire. Mais il ne rencontra rien, qu'un coup effrayant décoché en plein nez, selon les meilleures méthodes américaines. Un autre lui ferma un œil. Une dizaine, très efficaces, le marquèrent un peu partout. Un dernier lui coupa la respiration et l'assit. « Voici ma carte, » dit le jeune homme, toujours élégant et calme. Mais le bulldog, qui se relevait sanglant et ahuri, ne la prit pas. « Viens, partons, » balbutia sa femme, bouleversée. stupéfaite de sa défaite, en l'entraînant loin du rassemblement qui se formait. Oscar suivit. « Pauvre petit !» murmura la jeune femme en dentelle. Elle lui caressa la joue. Elle alla prendre le bras du jeune homme élégant en se pressant contre lui, et ils partirent dans l'autre sens. Oscar, sous les talons de ses père et mère, qui rentraient chez eux sans rien dire, marchait comme à l'échafaud. Silencieux, terrorisé par le drame qu'il avait involontairement déchaîné, il songeait que sans doute son père allait le mettre en pièces. Il sentait ses jambes se dérober sous lui. S'il avait osé, il aurait pris la fuite. Mais à sa stupeur, une fois rentré dans leur logement de Passy, son père ne le toucha pas. Il se mit des compresses et l'ignora. Leur vie reprit quotidienne. L'événement était enterré dans un silence redoutable. On y pensait sans doute, on n'en parlait pas. Une convention tacite l'avait comme supprimé. Oscar, angoissé par ses crimes et par la sourde terreur de n'avoir pas subi de châtiment, était d'une sagesse parfaite et n'était plus battu. En même temps, le souvenir de la jeune femme en dentelle, de son intervention, de sa caresse légère et parfumée, l'étonnait d'une douceur inconnue, d'une révélation vague qu'il y a dans la vie autre chose que les cris, les coups et l'amertume. Ce calme, un matin, se brisa en même temps qu'une hideuse potiche faussement japonaise que le bulldog chérissait comme manifestation suprême de l'art. Oscar, enhardi par 8 jours sans gifle et qui jouait dans l'étroite salle à manger au jeu de balle, 1000 fois défendu, la fit tomber. Elle se brisa en pièces avec fracas au moment précis où le père ouvrait la porte. « Nom de Dieu !» jura-t-il. « Garnement !» Il sauta comme un furieux sur l'enfant et reprit ses vieilles habitudes. Mais quelque chose était changé dans l'âme d'Oscar. Une révolte plus forte que la peur et le mal le raidit, et la troisième gifle, de toute sa petite voix, il cria. « Ah non, hein, laisse-moi, ou je vais chercher la dame du bois de Boulogne !» Et recroquevillé, il attendit la mort. Son père le mit par terre, et sans un mot sortit de la pièce. Oscar, le cœur battant, resta là un moment, puis son angoisse, devenant trop grande dans cette attente, il le suivit. Il le vit dans la cuisine, tout au fond, assis sur un tabouret de bois, et un sentiment complexe de triomphe, de vengeance, de remords, de pitié, étreignit confusément le cœur du petit garçon, car il vit que l'homme pleurait. C'était « La Dame du Bois » par Frédéric Boutet.